gon' leave you nipenda. Baby, I love you. Na sitamani hata kidogo nikukose. Karibu songa, baby, tucheze mina we. Na kila wakituona, lady, ikawe mina we. Yes. Mina we kitu kimoja, daima tuishi forever. Sitaki wengine sababu, baby. Kwanza ulinipenda mina kuniweka moyoni, yeah. Pero umeniweza mi wengine si waoni, yeah. Baby ulinipenda mi na kuniweka moyoni, yeah. It is only you I see, yeah. It is only you I see, yeah, yeah. Toi, je suis abonné. T'es ma love depuis mon enfance, on se connaît. Yeah. Tu mérites beaucoup plus que ce que j'ai déjà donné. Ah. Et si je pouvais, je te donnerais l'univers. Seul toi, c'est comme enfer. Tu mérites le genou, l'anneau. Je t'ai demandé dans mes prières. Sois ma baby ou ma navire. Je ne reste pas qu'un temps. Je suis prêt à te donner tout mon amour. Quand on lit la mine à connu.